Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané, Dan, entre Tzoréa et Eshtaol. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est qu'il y a un prix de la consécration. Nous devons accepter de payer le prix de la consécration. Lorsque le Seigneur t'appelle à un ministère, lorsque le Seigneur te met à part parce qu'il veut t'utiliser ou il veut utiliser tes enfants, mets-toi en tête que le Seigneur va te demander un prix à payer. Si tu veux que ton ministère atteigne une certaine dimension, c'est-à-dire une dimension où Dieu t'utilise puissamment, il y a un prix à payer, mon ami. Il y a des choses dont tu dois apprendre à t'abstenir. C'est ce qui se passe ici. Dieu apparaît à cette femme, la maman de Samson. Dieu lui montre qu'elle allait enfanter un fils spécial qui allait délivrer Israël des Philistins, leurs ennemis. Et nous voyons ici, il y a trois choses qui démontrent l'abstinence ou le prix de la consécration. Il dit que la femme ne devrait pas prendre des liqueurs fortes. Il ne devait pas, deuxièmement, prendre tout ce qui est impur. Il devait s'abstenir. Et troisièmement, l'enfant lui-même qui devrait naître. Les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Vous voyez? Quand Dieu t'appelle à un niveau élevé de consécration, même les autres choses que les autres considèrent comme normales, pour toi, ça devient comme un péché. Est-ce que tu comprends, mon ami? C'est pourquoi tu ne dois pas chercher à vivre comme les autres. Apparemment, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, « Ah, est-ce que quand tu es enceinte d'un enfant, qu'est-ce que l'enfant qui va sortir a à faire avec les liqueurs, avec les vins ?» Dieu dit que cet enfant sera consacré depuis le sein de sa mère. Donc, nous voyons qu'il y a des gens qui sont consacrés à Dieu dès le sein maternel. C'est de manière spéciale. Tout comme aussi dans le monde satanique, il peut y avoir des enfants qui sont consacrés aux démons. Donc, ce que les parents font là, peuvent se répercuter au niveau des enfants. Écoute-moi bien. C'est pourquoi nous ne devons pas être étonnés d'entendre qu'il y ait des enfants dont les parents ont fait des cérémonies au fleuve, par exemple, pour aller offrir des sacrifices, pendant qu'ils étaient dans le sein maternel. C'était une façon de les consacrer à ces divinités-là. Est-ce que vous comprenez? Ici, Samson n'était pas encore né. Dieu dit que cet enfant sera consacré dès le sein maternel. C'est-à-dire que Dieu déjà avait mis à part Samson. Et cela dépendait de ce que les parents devraient faire. Il fallait qu'ils s'abstiennent. Deuxième vérité, apprenons à dialoguer dans notre foyer, surtout nous qui sommes mariés. Je veux parler à une sœur. Quand Dieu te révèle, toi tu dis que tu es charismatique, Dieu te parle beaucoup dans les songes, dans les visions, c'est bien. Mais quand Dieu te parle, il faut savoir que tu as un mari. Surtout si ton mari est chrétien, enfant de Dieu, il faut que tu partages avec ton mari la vision, les songes que tu as. Donc il faut apprendre à dialoguer dans le foyer. Et lorsque toi aussi tu es mari, quand ta femme te partage, il ne faut pas être cartésien pour dire « moi je ne crois pas aux visions, moi je ne crois pas à ceci ». Il faut être ouvert. Vous voyez, c'est le modèle que nous voyons dans ce couple Manoach et sa femme. La Bible nous dit au verset 6, « La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit. » Et elle raconte tout ce que l'homme de Dieu lui a dit. Vous voyez. Et nous voyons que son mari était ouvert. Il faut être ouvert, partager les problèmes, il ne faut pas cacher. Je vais parler à une femme. Chaque fois que Dieu te révèle, tu commences à dire, oui, si je partage avec mon mari, est-ce qu'il va me comprendre? Elle risque de dire, il faut enlever ces idées-là, il faut partager. Et toi, le mari aussi, quand ta femme te partage des choses, même si tu ne sais pas prouver cela, même si tu ne sais pas prouver ça de manière cartésienne, parce que toi, tu aimes souvent la logique, tu veux qu'il te démontre, mais il faut être ouvert. Les femmes sont souvent intuitives. Dieu les parle souvent de manière un peu surnaturelle. Mais il faut savoir évaluer. Mais c'est quand on est ouvert au dialogue. Manoach était ouvert et pouvait écouter ce que sa femme lui disait. Troisième vérité. Nous devons savoir porter nos préoccupations devant le trône de Dieu dans la prière. C'est ça l'exemple de Manoach. Quand sa femme lui a partagé ce qu'elle a vécu, il n'a pas contesté, il n'a pas minimisé ça. Mais il a pris au sérieux, il a porté cette affaire devant Dieu pour prier Dieu. Vous voyez? Et il a demandé à Dieu de confirmer si ce que sa femme lui a dit venait de lui. C'est important. Même aujourd'hui, quand un homme de Dieu te donne une révélation, il dit que Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Je vais parler à un frère. Il y a une sœur qui t'a abordé dernièrement, qui t'a dit, voilà, Dieu l'a convaincu que tu pourrais être son mari. Écoute-moi bien. Quand tu entends ça, il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut prier pour que Dieu te parle à toi aussi. Vous voyez? Et nous voyons ici que cet homme est revenu parce que Manoach a dit, Seigneur, au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donc, il n'y a qu'un homme qui soit enseignable qui peut faire une telle prière. Donc, il s'attendait à ce que Dieu revienne, qu'il envoie l'homme de Dieu pour enseigner. Et nous voyons la suite qui montre que Dieu vraiment se manifestait fidèlement et lui a confirmé les messages qu'il avait donné à sa femme par l'entremise de l'ange. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Sachons porter nos problèmes devant Dieu lorsque quelqu'un nous apporte une révélation, un message, pour que Dieu puisse aussi confirmer ce message-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques pour son honneur et pour sa gloire. Bientôt nous te verrons. ton trône éternel, né vivant déjà en toi. Nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que gloire au Seigneur, il est digne de louange, notre Dieu. Il écoute la prière, élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom. Disons-lui merci pour sa grâce et sa bonté. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Juges chapitre 13, 1 à 23, c'est notre passage d'aujourd'hui. Ce passage nous montre qu'il y a un prix pour la consécration. Si nous sommes consacrés à l'Éternel, il y a des choses dont nous devons apprendre à nous détourner, à nous abstenir. La boisson, les plaisirs de ce monde et toutes sortes de choses que le Saint-Esprit te dit, que chacun de nous puisse prier pour que Dieu l'aide à se consacrer à lui. Tu ne peux pas servir le Seigneur quand tu vis dans la débauche, dans le mensonge, dans la bestialité, dans l'homosexualité, dans la haine. Que ces choses soient extirpées loin de nos vies. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Toi qui es notre bienfaiteur. Toi qui es notre soutien. Toi qui relèves notre tête lorsque nous sommes dans l'abattement. Toi qui combats pour nous dans nos luttes. Ce matin, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous exprimons notre reconnaissance. Père éternel, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as équipés pour te servir. C'est pourquoi nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu nous donnes la force pour payer le prix de la consécration afin que nous puissions renoncer à tout ce qui ne t'honore pas pour nous tourner véritablement vers toi. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que les œuvres de la chair sont extirpé de notre sein. Nous condamnons avec la dernière énergie et nous lions tout esprit de débauche, tout esprit de convoitise, tout esprit de colère, tout esprit d'animosité, tout esprit de rancune, tout esprit d'amertume, tout esprit d'alcoolisme. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que que nous renonçons aux plaisirs de ce monde, nous les estimons de notre sein pour nous consacrer véritablement à toi. Père éternel, que le fruit de l'esprit fasse partie de notre partage. Nous disons merci, Père éternel, pour ce soutien de notre consécration. Nous déclarons que notre consécration est scellée dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Apprenons à dialoguer comme ce fut le cas du couple Manoach et sa femme. Quand sa femme lui a dit ce qu'il a vécu, Manoach était ouvert aussi à écouter ce que sa femme lui a dit. Prions pour que dans nos couples, où il y a souvent beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes, que l'esprit des disputes, d'incompréhension soit ôté et que nous puissions vivre dans l'harmonie. Nous apprenions à dialoguer, à partager nos problèmes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Gloire, honneur, puissance, élévation à toi ce matin. Pour la vie, pour le courage, malgré les temps pluvieux, tu permets qu'on soit toujours rendez-vous de la prière. Sois béni parce que tu nous dis dans le psaume 133, « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que tu envoies la vie. C'est là que tu envoies l'éternité et la bénédiction. Nous voulons te recommander les couples. Nous voulons te supplier, nous voulons t'implorer, nous voulons élever la voix en gémissant, en soupirant, afin que ton esprit conduise tes enfants à communiquer, à dialoguer, à se parler, à s'entendre, à être unis. C'est par là que tu bénis, c'est par là que tu élèves, que tu exauces les prières. Nous t'en supplions ce matin. Que les rancœurs, que l'adversité, que tous ces problèmes d'incompréhension soient chassés des couples de tes enfants pour que la communion, la communication, pour que l'Esprit de Dieu puisse utiliser tes enfants pour que les prières montent. Puisque tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. Nous croyons au pouvoir de ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons des hommes de prière. Manoach a porté devant le tronc de Dieu la vision ou ce que sa femme lui a dit. Et c'est dans la prière que Dieu peut encore nous rapprocher. C'est dans la prière où Dieu peut encore confirmer. Nous allons prier parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans la plupart des foyers, il n'y a plus de vie de prière. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Prions pour que Dieu réveille chacun de nous. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sure. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions au nom de Jésus. Ce matin, Père, je vais te prier pour quelqu'un. Je vais te prier pour ma sœur. Je vais te prier pour ce couple. Je vais te prier pour ce frère qui en a besoin. Car la Bible dit que Jésus-Christ priait en tout temps et en tout lieu. Et il se levait très tôt le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, pour se retirer, pour prier. Et Jésus nous demande de prier sans cesse. Père, au nom de Jésus, donc, pendant qu'au moment où j'associe, oui, la prière, oui, pourquoi pas à la recherche dans les Écritures, que chacun de nous ait la rencontre, ait une rencontre avec Dieu, ait une rencontre avec de nouveaux chapitres de gloire dans sa vie. Quand quelqu'un parmi nous serait en train d'engager l'autel de la prière, que toute captivité de l'enfer soit brisée dans la vie de cette personne. Père, pendant que quelqu'un est en train de s'engager dans la prière, que sa santé germe promptement. Quand quelqu'un sera en train de lever la voix pour te prier, que cette personne bénéficie continuellement de la direction divine. Père, merci d'arroser quelqu'un parce que tu actives la vie de prière de quelqu'un, parce que tu renouvelles la vie de quelqu'un, parce que tu réquinques la vie de prière de quelqu'un. Merci pour cette commission, pour cette église qui s'élève dans la prière, afin que tous les démons soient brisés, soient annulés, que toute œuvre de l'ennemi dans cette église soit vaincue. Merci Papa, parce que tu nous donnes de prendre des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de prière personnelle, afin que Jésus-Christ, nous puissions marcher dans ta volonté, être orientés, être dirigés, et que nos prières par ta grâce soient répondues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.